Quand il est là, je suis contente. Je suis contente qu'il soit là. Quand il part, je suis triste. Je suis triste qu'il parte. Quand il revient, je suis heureuse. Je suis heureuse qu'il revienne. Quand il m'écrit, je suis ravie. Je suis ravie qu'il m'écrive. Quand il est sur la route, je suis inquiète. Je suis inquiète qu'il soit sur la route.